ça ne me gêne plus. Mon seul ami est Jésus. La vie est un chat empoisonné. Ton cœur est un chien emprisonné. Jésus, mes anges.